On te naîtra sur les bords d'une civière. On te nettoyera à enlever le sang d'une mère. On te pleurera à hurler, je suis enfin père. On t'achètera ton doudou et tes cadeaux. On te comprendra parce que tu ne sors aucun mot. On te chantera quand tu écoutes et même un peu trop. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu tort. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu tort. On t'enseignera pour devenir comme les autres. On t'entendra rester là comme un apôtre. On te murmurera attention pour éviter la vôtre. On te regardera parfois tellement trop jaloux. On te laissera à te dire t'es pas comme nous. Tu regarderas le ciel qui ne dit rien du tout. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu tort. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu tort. On t'aimera, mais à ton goût pas assez. Tu détruiras toi-même avant tout ta santé. Tu reviendras parce qu'avant c'est du passé. On t'appréciera avec ton soutien et ton savoir-faire. On t'admirera, mais Dieu te camouflera dans ton enfer. On abandonnera une seconde, oui, mais à la dernière. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu, Tom. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu, Tom. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu, Tom.